J'aurais dû le dire quand il fallait, trop de problèmes à parler. Ici on dit oui avec le cœur. Et si la chance n'est pas notre allié et que l'addition est salée, on rappera pour les frères et les sœurs. Yeah, yeah, oh, oh, oh, oh. Eh, eh, eh, eh. Oh, oh, oh, oh, oh. Ici on dit oui avec le cœur. Les aveugles sont pas optimistes, c'est un blème d'horizon. L'UNICEF reçoit pas don, c'est un blème de compassion. On a tous le visage triste, c'est un blème de sourire. C'est ma thèse contre ta thèse, un blème de xénophobie. Manesse voit la vie en rose, avec d'oras et céréales. Cela daronne fait que de répleux, c'est que c'est un blème carcéral. On fait que de se tirer dessus, c'est un blème de film de Far West. J'sais pas wesh, il pleut des balles, j'crois que c'est un blème de kawaii. Ton daron veut pas de son mariage, c'est un blème de culture. Si ton label démarre pas, ben c'est un blème de structure. Si on veut pas devenir comme eux, ben c'est un blème avec leur loi. Et si on sort mes buts à Dieu, ben c'est un blème avec notre foi. Si tu me vois marcher tout seul, c'est un blème d'amitié. Beaucoup trop de gens m'ont trahi, triste réalité. Tu veux que l'horizon te transporte, t'écouteras ma musique. Les miens refusent de s'instruire, y'a pas l'Afrique dans leur musique. J'aurais dû dire quand il fallait, trop de problèmes à parler. Ici on dit oui avec le cœur. Et si la chance n'est pas notre allié, et que l'addition est salée, on rappera pour les frères et les sœurs. Yeah. Oh oh oh oh oh oh. C'est que c'est un blème de jalousie. Si on a insulté la juge, c'est que c'est un blème de sursis. Et si les femmes ont peur d'aimer, c'est que c'est un blème avec les hommes. Si mes frères suicident en tôle, c'est un blème de par leurs fantômes. Des frères expulsés de la France, paraît que c'est un blème de visa. Moi j'écoute pas leur politique et dis que c'est un blème de visage, de paysage. Hier encore les keufs nous ont insultés de singes. Pour la droite c'est rien, pour nous c'est un truc de dingue. Si mes frères se tirent dessus, c'est que c'est un blème de territoire. Et si nos sœurs nous parlent plus, c'est que c'est un blème d'autorité. Les derniers seront les premiers, je dis que mes gars sont en retard. Et si on crame des véhicules, c'est pour que la France nous regarde. Si tu me vois rapper ma tristesse, c'est que c'est un blème avec ma peine. Et si je parle plus aux darons, c'est que c'est un blème personnel. Si ma vie j'en ferais un film, mon 9-3 serait trop ému. L'Afrique pleure des larmes de tristesse, séchées par l'ONU. J'aurais dû dire quand il fallait, trop de problèmes à parler. Si on dit oui avec le cœur. Et si la chance n'est pas notre allié, et que l'addition est salée, on rappera pour les frères et les sœurs. Ici on dit oui avec le cœur.